On ira où la dalle nous mène. Notre histoire on l'écrira nous-mêmes. Elle m'a dit c'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui que je t'aime. Et parole et que des paroles. Ma seule patronne à moi c'est Madara. Ils croyaient que j'étais mort, ils ont dit bon débarras. Heureusement que c'est Dieu qui danse, sinon il nous laisserait nada. Donc j'ai quitté mon village, rêvé d'une vie juste moins minable. Moi j'ai quitté mon village, pour plus les entendre me dire que personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Parole, parole, parole. Ils font semblant de m'aimer. Moi je fais pas semblant que je les déteste. Je me souviens qu'ils me tournaient le dos parce que j'étais pauvre comme papa. Rajoute d'argent à ceux qu'on a et enlève à ceux qu'on n'a pas. Dans la mer ils rajoutent de l'eau. Va comprendre. Et si tu meurs de soif, toi, on t'abandonne. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. On veut le monde, on va le prendre. Et puis seul homme, un rêveur parmi tant d'autres. Et mes frères sont des millions. Nos rêves nous vivront, n'écoute pas ceux qui diront que personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Parole, parole, parole. Ça t'étonne, les jaloux me saguent. Mashallah la légende, je rentre dans la légende. Pourquoi ça t'étonne, Mashallah la légende. Les jaloux me saguent, hey hey hey. Na na ni na na na, na na ni na na na, ou na na ni na na na, na na ni na na na, na na ni na na na, na na ni na na na.